Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Et pour finir l'émission, nous accueillons Corinne Bourgaud-Brunel, excusez-moi. Elle est étudiante à l'INRS-ETE et elle nous parle de l'influence des changements climatiques sur les risques d'inondations en bord de mer, mais aussi au bord des fleuves et rivières. Bonjour Corinne. Bonsoir. Corinne, tu es étudiante à l'INRS à la maîtrise, au doctorat? Oui, absolument. Je fais un doctorat en sciences de la Terre au laboratoire d'hydraulique environnementale. D'accord. Donc, et là, tu en laboratoire d'hydraulique environnementale et tu étudies donc l'effet des changements climatiques sur la modification, la transformation des rives des fleuves? Absolument. C'est un domaine de recherche sur principalement les problèmes d'érosion des berges, soit dans les milieux fluviaux ou dans les milieux côtiers marins tels que dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Donc, c'est une problématique qui est appelée à devenir de plus en plus importante et une chaire de recherche a été démarrée par le provincial pour se pencher sur ce problème. Et donc, pourquoi est-ce que ce serait si important que ça de s'en occuper? Apparemment, a priori, les rivières, on les laisse couler et puis l'eau s'écoule, elle va dans le fleuve et puis dans l'océan. Donc, quel est le problème? Absolument, c'est une bonne question. En fait, c'est principalement parce que la majorité des populations habitent le long des berges et le long des cours d'eau et on parle au Québec, mais c'est un phénomène mondial. En fait, on a qu'à regarder une carte. Et avec l'avènement des changements climatiques, et les variations du climat, eh bien, on a toutes les raisons de se questionner sur l'impact de ces changements, en fait, sur ces populations côtières. Y a-t-il un risque? Mm-hmm. Et principalement relié à la submersion, mm-hmm. dans notre cas, qu'on étudie. D'accord. Donc, on parle de villes qui sont implantées aussi bien donc en bord de mer, mais aussi en bord de fleuve et puis ou de rivière. Et c'est vrai qu'on pense rien qu'à Québec et à Montréal, mais ailleurs dans le monde, on peut penser à Paris, à Londres. En fait, il y en a probablement beaucoup des villes qui sont implantées en bord de fleuve et de rivière. Mais justement, pourquoi est-ce qu'elles sont les ancêtres, jadis, ont choisi de s'établir au bord des fleuves et rivières? Effectivement, parce que c'est problématique. On peut se poser la question, c'est justifié pourquoi avoir construit toutes ces mégapoles sur le bord des cours d'eau. Effectivement, il faut se rappeler que ces deltas, souvent, ou ces estuaires, sont constitués de sédiments et contiennent beaucoup de matière organique. Et donc, l'agriculture y était facile. Parce que c'était des sols arables, c'est ça qui est donc très riche, favorable à l'agriculture, d'accord. L'agriculture. Et le fait également que ça soit près des voies navigables était facile d'exporter à ce moment-là la marchandise. On note aussi également que les dénivelés sont très faibles dans ces régions-là et ça facilitait la construction des villes. Mm-hmm. Donc, pour ces bonnes raisons, effectivement, la majorité principale, partie des mégapoles côtières sont construites sur des deltas. D'accord, sur des deltas, ou même si ce n'est pas sur des deltas, du moins sur les rives. Du moins sur la rive. Parce que sur le bord du Saint-Laurent, par exemple, je pense à Trois-Rivières. Absolument. Mais il y a des terres agricoles alentour, sur cette plaine, là, il y a des terres, et puis le fleuve est là. Absolument. À l'embouchure, en plus à l'embouchure, donc vraiment une voie de communication. D'accord. Et voilà. D'accord. Et alors, en quoi ces villes, donc, seraient affectées par les changements climatiques? Parce que des fois, on parle, oui, le changement climatique va augmenter le niveau de la mer, des océans, mais là, on n'est pas directement sur la mer. On parle de fleuves, de rivières. Absolument. Donc, on a les deux cas, les régions fluviales et les régions côtières. Les changements climatiques peuvent amener des changements au niveau des précipitations, donc un changement au niveau du débit des rivières et des cours d'eau et des moments des crues. Donc ça peut causer peut-être des problèmes plus sur les régions fluviales. Pour les régions côtières, si on parle des régions maritimes, c'est certain qu'on a un réchauffement planétaire, on a un rehaussement du niveau d'eau marin, tout simplement. Dans le dernier siècle, on parle de 20 cm de rehaussement du niveau d'eau de l'océan. Ah oui, quand même? Et on prévoit une accélération pour le siècle à venir. Donc, c'est principalement ici un risque potentiel pour les villes qui sont situées le long des côtes et des berges, mais également, il faut considérer qu'en ce moment, il existe plusieurs villes qui sont déjà construites sous le niveau d'eau de la mer. On peut penser aux pays, les Pays-Bas. Mm-hmm. Également, Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, le secteur de Manhattan également, mm-hmm. sur le de New York, qui est construit sous le niveau. Ils sont déjà protégés par des digues. Et ces régions ont déjà été affectées par des ouragans et ont connu des submersions. Et maintenant, on se questionne, parce que c'est très engageant au niveau des coûts, mm-hmm. ces incidents, et on se questionne maintenant sur une façon d'aménager et de gérer, dans le fond, ces événements critiques. Mmh. Donc là, les deux événements, les deux phénomènes principaux qui pourraient provoquer des inondations, des submersions, c'est d'une part le haussement des océans à cause de la température de l'eau chauffe et d'autre part à cause de l'augmentation des précipitations qui augmentent le débit. Et il faut noter également que le niveau de la mer s'élève, mais il faut dire que la plupart des tempêtes ou les catastrophes sont accentuées également de mauvaises températures, donc on parle de basse pression. Une basse pression sur l'océan fait naturellement relever le niveau des eaux, donc on parle de surcote, et à ce moment-là, sans considérer le rehaussement du changement climatique, mm-hmm. déjà on peut avoir une élévation anormale de plusieurs dizaines de centimètres du niveau d'eau. Ah oui. Donc à ça peut s'accentuer des vents mm-hmm. qui vont également augmenter le niveau d'eau à la côte, et les plus grandes catastrophes sont lorsque toutes les étoiles malheureusement s'alignent et tous ces facteurs, et c'est là qu'on connaît les plus grands dommages. Mm. Et est-ce que j'imagine que tout ça est lié aussi à l'érosion, donc à l'érosion des côtes et des berges. Exactement. Donc pour toutes les grandes mégapoles qui sont construites sur ces sols instables, eh bien au moment des submersions peuvent se créer des phénomènes d'érosion importants. Il y a un phénomène également à considérer, c'est un phénomène de subsidence également sur ces grandes villes, parce que lorsqu'on construit sur des deltas, le poids des villes, juste naturellement, des infrastructures font mm-hmm. naturellement enfoncer les sols. Et ça, c'est une grande problématique mondiale sur les mégapoles côtières. C'est l'enfoncement des villes dû à leur poids, tout mm-hmm. simplement. Mm-hmm. Et souvent, on va aller pomper les eaux souterraines pour s'abreuver. Et c'est également là qui crée un vide dans le sol qui font l'enfoncer. Ah oui, donc là, les deux s'additionnent finalement. Et les deux s'additionnent également. Et c'est là qu'on a des grandes problématiques mm-hmm. à ce niveau-là. Mm-hmm. C'est pas ce qu'on avait dit justement comme raison peut-être pourquoi Katrina avait causé tant de problèmes, parce que le sol justement sous la Nouvelle-Orléans ou en tout cas sous la Louisiane était affaissé à cause du poids et à cause des pompages. Il n'y avait pas une histoire comme ça? Absolument. Les grandes catastrophes, c'est pas mal le scénario qui se répète. Mm-hmm. Et c'est un peu là aussi l'alarme des scientifiques. On essaie on explique pourquoi ces phénomènes-là arrivent. Puis c'est aussi au niveau des dirigeants, c'est certain que ce qu'on observe, c'est qu'il faut souvent avoir une catastrophe pour peut-être que mm-hmm. les municipalités s'adaptent. Donc, l'important, c'est de regarder ces événements puis de savoir comment les villes veulent s'adapter, mm-hmm. dépendamment des conditions de leur région. Sont-elles prêtes? Alors, on a un exemple, Manhattan, après l'ouragan, c'était Sandy en 2012. Oui. Maintenant, Manhattan a complètement changé les sous-sols et ils sont équipés de grands réservoirs. Donc, en cas de submersion, maintenant, l'eau avait créé des dommages incroyables à la ville. Mais maintenant, c'est conçu pour que l'eau, même en grande quantité, puisse être temporairement stockée dans ces énormes bassins mm-hmm. souterrains qu'ils ont construits mm-hmm. et pouvoir les évacuer. Mm-hmm. Mais pour pouvoir s'adapter comme ça, il faut pouvoir anticiper un petit peu ce qui va se passer. Donc, il faut avoir, une sorte de cartographie de l'état des lieux, du sous-sol, absolument. Ou je ne sais pas. Et puis, d'essayer de pouvoir simuler ce qui peut se passer en cas de forte pluie, en cas de dépression atmosphérique. Est-ce qu'on a des outils pour ça? Exactement. En fait, les universités, donc nous à l'INRS, c'est un peu notre rôle d'apporter cette expertise et d'apporter notamment des outils intéressants comme les bonnets numériques. On peut tout intégrer, les modèles de vagues, les modèles de courant. On peut intégrer les sédiments. C'est certain que c'est des modèles qui commencent, donc on a besoin de beaucoup de connaissances terrain, et il y a un grand travail en ce moment au niveau des universités et des consortiums pour bien caractériser principalement l'estuaire, le golfe du Saint-Laurent, beaucoup la Gaspésie, Côte-Nord, Île-de-la-Madeleine, où on a des grandes problématiques, pour, dans le fond, bien les décrire, bien les modéliser, mm-hmm. Pour pouvoir essayer de reproduire ce qui s'est passé dans le passé, puis voir si on peut pas prédire un peu ou aider à prédire ce qui va se passer dans le futur en fonction de ce qu'on connaît. OK, donc on regarde finalement l'état des lieux, on prend en compte la sédimentation, t'as dit, l'ampleur des précipitations, le niveau des précipitations, des marées peut-être, etc. Exactement. Et on met tout ça, on bidouille tout ça avec des équations. Ouais, exactement, on met tous ces intrants-là dans le modèle, ouais. Puis on essaie de recréer, c'est pour ça qu'on essaie de recréer ce qui s'est passé dans le passé, en fonction de ce qu'on connaît des marées, ce qu'on connaît des vents, ce qu'on connaît des courants, ce qu'on connaît des sédiments, et à ce moment-là, on essaie de pouvoir reproduire ces dynamiques-là. Le but, c'est en fait de pouvoir, est-ce qu'on peut prédire quelle région va être plus ou moins mm-hmm. touchée par telle ou telle tempête qui pourrait se produire pour aider, dans le fond, les dirigeants à mieux aménager le territoire. D'accord. Donc là, il y a des recherches, bon, toi, tu travailles sur ce domaine-là. Donc, ça veut dire qu'au Québec, on est quand même concerné, même si Québec est quand même en hauteur, par exemple. Donc, on n'est pas tous, j'imagine qu'en Haute-Ville, ils n'ont pas trop d'inquiétude, mais sur la rivière Saint-Charles, par exemple, c'est peut-être différent. Puis au Québec, est-ce qu'il y a des villes qui sont plus à risque que d'autres par ces phénomènes? Effectivement, on parle beaucoup des routes, la 132, 138, Côte-Nord, Gaspésie également. Beaucoup de dommages sur le réseau routier. C'est principalement, on sait combien ça coûte cher restaurer un kilomètre de route au Québec. Et lorsqu'une tempête emporte plusieurs kilomètres d'une route, on parle de coûts vraiment faramineux. Et en ce moment, le Québec est penché à créer des ouvrages maritimes qui vont pouvoir protéger ces routes-là. On peut penser à Percé, qui est peut-être un cas bien connu, région touristique. Donc, faire un ouvrage qui est attirant pour les touristes, mais qui est en même temps durable pour l'investissement aussi du Québec. Donc, c'est pas tâche facile, mais je pense qu'avec les années, on peut développer une bonne expertise. Puis, Et très rapidement, parce qu'il nous reste une petite minute, est-ce qu'on tient en compte aussi le couvert de glace dans tous ces modèles-là? Parce que ça aussi, on dit que ça protège de l'érosion en hiver. C'est une très bonne question et une belle équipe à Rimouski avec Dany Dumont qui effectivement s'affaire à modéliser la glace parce que oui, dans le passé, la glace protégeait les berges et maintenant avec les réchauffements durant l'hiver, ces glaces-là bougent. Qu'est-ce qu'elles font sur la côte? Mais c'est ce qu'on saura dans les prochaines années. Ben, on voit en tout cas que tu as du travail et là, tu as quand même du pain sur la planche aussi pour dans ton doctorat. Je te remercie beaucoup, Corinne, d'être venue nous présenter cette problématique à Futur Simple. Merci à vous. On te souhaite bonne continuation dans cette recherche. Merci beaucoup.